Écoute, écoute, ça va être chaud. C'est Momo qui tient le micro. Gazi, émouve-toi sur le dance floor. Sens cette sensation tout au fond de ton corps. Une fois de plus, ta scène s'enflamme. Momo et ses lyrics nous crament. Clic, clic, ça bouge comme un barillet. Balance ses mots en rafale. Tiens-toi bien, ça va être radical. Chaque phrase à la vitesse d'une balle. Boum, boum, fais le bête dans la basse. S'amplifie et l'espace à la menace qui écrase. S'étale et forme une phrase qui fracasse. Passe, passe le mic à mon tour. Oh Mike, j'aiguise micro et craque fort. Dans les mots, passe, passe le ton. Right niveau, le niveau monte dans la salle, c'est chaud. Boum, boum, les boomers s'éclatent. La salle hurle, ça m'épate. L'instru se déroule paisiblement. Quant à mon chargeur, lui, il attend le refrain pour balancer son venin qui réveille les cerveaux et éteint. Le message passe, passe, passe et trace, repasse et menace. Le sage qui m'écrit sur place, sur scène. La chaleur fait des siennes, mais qu'est-ce que tu veux qu'on quitte? On se voit tous en haut de l'affiche, mais pas besoin d'affiche, nous on s'en fiche. Dis une biche et tape-toi un spliff. Et si quelques mots me sortent de mon sommeil à fleur de peau, putain de merde, je suis encore au clos. Et un rêve de plus où je me suis vu riche. Putain s'amuse dans la réalité, l'état nous suce. Putain s'amuse, putain s'amuse. Y'a dans les rêves qu'on vit libre et de la ressurgit ma rage de vivre. Gazier, t'impensable le nombre de choses qui agacent. Ça pèse, ça use et ça te casse. Où que tu sois et quoi que tu fasses, tu peux pas t'en sortir, peu importe la menace. De retour sur scène, je balance mon instru et ma haine. Il n'y a que ça qui apaise ma peine. Mais en final c'est toujours la même. On se pose, on enchaîne, mais les chaînes qui nous tiennent s'enlacent dans les tourments de la haine. Peu importe le sens, c'est sûr, en fait on n'a rien inventé. Les choses qu'on a et sont des réalités. Là, pas de secret, gazier, seul la déco du bitume peut écrire sur le quartier. Je vois par là les mecs posés dans des cages d'escalier à longueur d'année et de journée pour te dire c'est leur destinée. C'est leur destinée, c'est leur destin lié, gazier. Ouais, ouais. Le choc des blessures de l'âme te meurtrit, c'est le drame. Comme l'abandon d'une femme, tu laisses seul avec tes larmes. Mais sur scène, je m'éclate. Oublie, écoute, ça va, ce que la vie nous donne à chaque heure qui sonne. Boum, boum, fais le beat dans la basse. S'amplifie et l'espace à MO, MO qui balance tous ces mots. Passe, passe le MCRO. Quand on se jette à l'eau, monte, monte le beat au plus haut niveau. Les décibels agacent quand se répètent les slaps de la basse. Putain, s'amuse, putain, s'amuse. De voir les riches qui s'amusent alors que les pauvres, on va dire, essayent de survivre. Eh, putain, s'amuse.